toujours le même, moi je rappe tu l'école. Allez décale, j'ai rien fait, tu me casses les couilles. Je suis déçu de ce que je vois, de ce que j'entends. Quand je suis vénère sans s'entendre, je les laisse entre eux. C'est tous des fatigués, ils croient qu'ils sont tous entre hommes. Je les vois en train de faire les vrais, quand ça pète c'est des fantômes. RDV ça parle à faire, je sens le Lancôme. Ils disent que je pars un peu, mais le planète rap, je les laisse en com. On se time où ça, ça, là c'est pas possible. Le cœur est-ce que t'as ça, tu prends tout le monde pour cible. On se time où ça, ça, là c'est pas possible. Le cœur est-ce que t'as ça, tu prends tout le monde pour cible. On se fait la bise et on se regarde travers. Tu vas me pousser à faire ce que je veux pas faire. Espèce de gros dégain. Laissez-moi, je trouve le démon. Je démarre et je gamberge sur le thème. Je fais des sons que tu chantes ou qui te font danser. Je vais plus où je veux, y'a qu'au quartier que je peux m'ambiancer. Je suis censé faire les choses bien. Je laisse parler dans mon dos un jour. Ils paieront ou pas, qu'est-ce que c'est. Ces temps-ci, c'est flou. Les gens s'en foutent. Ils parlent bizarrement comme si je leur devais des sous. Mes corazones est plein de blessures. Je me vois pas plus haut que pourtant eux aimeraient me voir en dessous. Je me vois pas plus haut que pourtant eux aimeraient me voir en dessous. Toujours le même moi, je rappe depuis l'école. Allez décale, j'ai rien fait, tu me casses les couilles. Je suis déçu de ce que je vois, de ce que j'entends. Quand je suis vénère, ça s'entend, je les laisse entre eux. C'est tous des fatigués, ils croient qu'ils sont tous entre hommes. Je les vois en train de faire les vrais, quand ça pète, c'est des fantômes. RDV, ça parle à faire, je sens le lent comme. Ils disent, tu pars après ma planète rap, je les laisse en com. On se time où ça, ça, là c'est pas possible. Le cœur est-ce que t'as ça, tu prends tout le monde possible. On se time où ça, ça, là c'est pas possible. Le cœur est-ce que t'as ça, tu prends tout le monde possible. On se fait la bise et on se regarde travers. Tu vas me pousser à faire ce que je veux pas faire. Espèce de gros dégain. J'attends que tu me dises un mot de travers. Laissez-moi, je trouve le démon. Je démarre et je gamberge sur le thème. Je fais des sons que tu sens tout qui te vont danser. Je vais plus où je vais, y'a qu'au quartier que je peux m'ambiancer. Je suis censé faire les choses bien. Je les laisse parler dans mon dos. Un jour ils paieront ou pas, question c'est. Ces temps-ci, c'est flou, les gens s'en foutent. Ils parlent bizarrement comme si tu leur devais des sous. Nicolas, ça les pleine de blessures. Je me vois pas plus haut que pourtant eux aimeraient me voir en dessous. Pourtant eux aimeraient me voir en dessous.